NAC. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. En octobre, au Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Une idée importante ? Ne la laissez pas s'envoler. Écrivez-la sur une note super sticky post-it. La première. Il est pile 9h. Le journal, c'est avec Nicolas Lehmann. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. C'est un référendum qui sera très suivi aujourd'hui en Europe. Les Hongrois se prononcent sur le plan européen de relocalisation des réfugiés. Témoignage dans ce journal de deux habitants de Budapest. Ils nous diront pourquoi ils vont rejeter le plan aujourd'hui. Se dirige-t-on vers la fin du blocage politique en Espagne ? Un gouvernement Rajoy va-t-il pouvoir se former après 9 mois de paralysie ? La possibilité est ouverte après la démission hier soir du président du Parti Socialiste. Chez nous, Caterpillar, c'était il y a un mois, jour pour jour. Comment vivent aujourd'hui les travailleurs ? Quelles sont leurs perspectives ? Nous sommes allés à leur rencontre. Oui ou non, la Hongrie doit-elle participer à l'effort sur l'accueil des réfugiés ? Accepter le plan de répartition entre pays européens ? Les Hongrois se prononcent par référendum aujourd'hui. Autre question cruciale, combien de Hongrois vont-ils se déplacer aujourd'hui ? La réponse est très attendue par le Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban. 50% de participants sont nécessaires pour que le référendum soit validé par le Parlement. Nous avons rencontré Attila et Edith, deux habitants de Budapest. Ils comptent bien y aller, aller voter pour dire non au quota de répartition. Attila est entrepreneur. Edith est juriste. Ils habitent à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Ils expliquent pourquoi il est important pour eux d'aller voter. Je pense que c'est important parce qu'en tant que chrétiens, comme la majorité des Hongrois et des Européens, nous pensons que ce flux d'immigration musulmane et africaine va nuire aux peuples européens. Est-ce que vous pensez que le référendum va changer cette chose-là ? En tant que petit pays, si la majorité ici décide que les réfugiés ne doivent pas venir, alors peut-être que les autres pays d'Europe vont aussi faire attention à cette question. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec la politique du gouvernement Orban ? Certainement, nous sommes critiques sur la corruption. Mais Orban est un homme très charismatique et je l'ai rencontré personnellement. En tant que politicien, il fait une impression très forte et je pense qu'en Hongrie, on a besoin de ça. Voilà pour cette rencontre signée Wahoub Fayoumi et Jean-Marc Viercé. Crise des réfugiés, repli identitaire, les frontières sont au cœur de l'actualité. C'était aussi le thème de la Nuit Blanche à Bruxelles. Des dizaines d'œuvres artistiques réparties cette fois dans le quartier européen. Et pourquoi pas se glisser dans la peau d'un réfugié, ressentir soi-même le choc culturel que peuvent éprouver ceux qui migrent. C'est ce que proposait l'artiste Anne Thuo avec un personnage imaginaire, Lydia Richardson. Véronique Fievé l'a rencontrée. Pour rencontrer Lydia, il faut d'abord se déchausser, se mettre dans la peau de celui qui arrive sans rien et découvre notre aisance occidentale. Anne Thuo nous transforme en réfugiés le temps d'une visite de la maison de Lydia. Alors Lydia Richardson est un personnage que j'ai créé il y a à peu près un an. Avec ce personnage, j'ai eu envie de questionner mes privilèges de femme blanche. À Bruxelles, j'ai la bonne couleur de peau. Je parle couramment une des langues du pays. Et puis, suite à la mort de mon père, je suis devenue héritière. Donc je suis comme parfaite. Alors là, justement, elle est où, Lydia ? Alors là, Lydia, elle était encore dans son intérieur bourgeois. En fait, il y a toute une sorte de progression dans le parcours de Lydia qui, au début, commence par faire ses bonnes œuvres. Et puis, petit à petit, se rend compte que cette richesse, d'où elle vient, face à ce portrait magnifique de Léopold II, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Des rencontres comme celle-là, des chocs visuels ou sonores, il y en aura eu beaucoup d'autres au cours de cette nuit blanche. Même les files d'attente sous la pluie semblaient là pour nous plonger dans la réalité de ceux qui ont voulu un jour traverser les frontières pour arriver ici. En Espagne, Pedro Sánchez, le secrétaire général du Parti Socialiste, a démissionné hier soir. Sa démission ouvre la voie à un déblocage de la crise politique dans le pays. Elle dure depuis 9 mois maintenant. À 44 ans, le chef du PS espagnol a donc annoncé sa démission. Il a été mis en minorité par les instances dirigeantes du parti, et ce au terme d'une journée agitée, Sophie Léonard. Le PSOE se souviendra de ce samedi 1er octobre, sans doute comme la journée la plus intense depuis la création du PS espagnol. Après 10 heures de débat où le Pedro Sánchez a présenté sa démission, depuis le début de la semaine, il avait pourtant résisté aux multiples attaques de ses adversaires. Mercredi dernier, 17 membres de la direction du parti avaient même présenté leur démission pour le forcer à partir. L'homme avait tenu tête, déclenchant une guerre ouverte entre ses partisans et ses détracteurs. Alors à présent, le parti se retrouve sans leader. Un nom se détache pour le remplacer, celui de Susana Diaz. Si elle accède à la tête du PSOE, elle sera la première femme du Parti Socialiste depuis sa fondation en 137 ans. Susana Diaz est opposée à un gouvernement de droite, mais ses partisans la jugent plus pragmatique que Sánchez. Ils estiment qu'elle est la seule capable d'unir le parti et de l'engager à accepter ce gouvernement minoritaire de Mariano Rajoy. Et dans le sud de l'Espagne, une explosion a fait hier soir plus de 70 blessés à Malaga. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bonbonne de gaz aurait explosé dans un café. Un référendum en Colombie ce dimanche. Les Colombiens doivent dire si oui ou non ils valident l'accord de paix avec la guérilla des FARC. Si le oui l'emporte, les près de 6000 combattants déposeront définitivement les armes sous supervision des Nations Unies et formeront un parti politique. L'ouragan Matthew menace de frapper la Jamaïque et Haïti d'ici ce soir, classé désormais catégorie 4 sur une échelle qui compte 5 échelons. Cet ouragan devrait provoquer des inondations et des glissements de terrain. Après des vents soufflant à 260 km/h, le cyclone Matthew est une menace prise très sérieusement par les autorités. La mobilisation est générale. Retour chez nous, c'était il y a un mois, le 2 septembre, Caterpillar annonçait son intention de fermer l'usine de Gosselies. Le choc est à peine passé pour les 2200 travailleurs et les nombreux sous-traitants. Restent les inquiétudes. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui? Comment ont-ils vécu ce mois de septembre? Et surtout, comment envisagent-ils les prochaines semaines? Hugues de Caluet est retourné sur le site de Gosselies. Ça a été assez pénible parce que y a eu tout un afflux d'émotions qui s'est accumulé. Damien Rovinelli travaille depuis une dizaine d'années chez Caterpillar à Gosselies et il se remet difficilement du choc. Ces quelques dernières semaines nous ont permis quand même de laisser décanter certaines choses, certaines incompréhensions, certaines émotions et tout ça, même si on ressent toujours cette injustice, quoi. Comme Damien Rovinelli, tous les travailleurs de Caterpillar vivent mal ces moments difficiles. Ivan Del Percio, président FGTB, la délégation syndicale, en est le témoin quotidien. Ouais, il y a un peu de tout, hein, ça c'est clair. Chacun réagit différemment. Ce qu'on ressent chez les travailleurs, c'est qu'en tout cas, il y a une colère qui gronde sur plusieurs points, sur l'attitude de la direction, puis aussi sur peut-être l'impuissance politique aussi. Comment on peut laisser faire ce genre de choses? Et dans ce contexte émotionnel, communiquer sur ce qui se passe dans la phase d'information de la procédure Renault est très important. Ce qui a été bien expliqué aux travailleurs, c'est qu'on va utiliser cette période déjà pour comprendre les choses, avoir des explications et par après voir la possibilité de déposer des alternatives. Alors, ce sera avec ou sans Caterpillar. Et si malheureusement, il n'y a aucune possibilité, là, plus tard dans le calendrier, on se retrouvera autour d'une négociation qui va être très dure. Et tous les travailleurs de Gosselies sont conscients que cette phase de négociation, ce bras de fer, risque de durer de très très longs mois.

la première. 9h-10h. Émission spéciale Les Belges du bout du monde. Avec Adrien Jovenot. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale des Belges du bout du monde, réalisée depuis le festival Correspondance à Manosque. Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h. Sur la première. Avec en invité, j'ai envie de dire vedette, même s'il est très modeste, Gaël Faye. Bonjour Gaël. Bonjour. Comment ça va ? Oui, je vais très bien, merci. Je suis content que vous répondiez comme ça parce que dans votre livre Petit Pays, Évariste, le cuisinier, quand on lui demande comment ça va, il dit ça va un peu. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent au Rwanda, au Burundi ? Oui, au Rwanda, au Burundi, on a pris l'habitude de dire ça va un peu, mais je crois qu'au-delà de l'idée que le ça va un peu accompagne des fois la difficulté de la vie, il y a aussi une forme de politesse à ne pas dire ça va très bien, parce qu'on ne sait jamais si l'autre en face lui va bien ou pas trop. Donc c'est aussi, je trouve, une manière polie de ne pas afficher trop grandement son bonheur. De pas être trop arrogante, trop insolente. Avec son bonheur, oui. Ouais, oui. Vous venez du pays des collines, au cœur de l'Afrique des Grands Lacs, et on se retrouve ici au pays des collines en Provence. Vous vous sentez bien ? Je me sens très bien. Et puis en plus, on a également la chaleur. Il paraît que c'est pas toute l'année, donc c'est agréable. Alors je rappelle que vous êtes franco-rwandais avec une pincée de belgo-burundais, auteur, compositeur, interprète de musique métissée entre le rap, la musique hip-hop, la culture créole et puis Petit Pays, un grand roman publié chez Grasset, comme Giono. Oui, oui, j'avais pas fait le rapprochement, effectivement. Colline de Giono est édité chez Grasset. Gaël, quel chemin parcouru depuis 4 ans, s'était rencontré au printemps 2012. C'était l'année de sortie de Pili Pili sur un croissant beurre. Il s'est passé des choses incroyables depuis. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. La plus incroyable, c'est que j'ai eu ma deuxième fille. Donc, faut pas l'oublier. Ça, ce sont les vraies valeurs. Ouais. Exactement. La deuxième chose, c'est que je suis allé m'installer au Rwanda. Le pays de ma mère que je ne connaissais pas, enfin à part les moments où j'y allais en vacances et puis le récit familial, mais je ne connaissais pas la vie de tous les jours. Donc depuis un an, je suis là-bas en famille. Et puis autour de mon art, oui, la Pili Pili sur un croissant beurre est un album qui m'a permis de rencontrer énormément de monde, de voyager beaucoup et puis de me donner une rampe de lancement, j'ai envie de dire, pour écrire ce roman. Petit Pays et la réception que ce roman a auprès du public me dépasse, me submerge. Je m'y attendais pas et je le vis avec beaucoup de bonheur et puis beaucoup d'étonnement également. Petit Pays, comme la Belgique, comme le Burundi, comme le Rwanda, vous avez pas mal d'attaches belges. Vous parlez beaucoup dans votre livre de la Belgique, du journal Le Soir, de Léopold II. Oui, oui, complètement. Mais j'aime à dire que j'ai grandi dans un bout de Belgique en Afrique. Même les maisons, finalement, quand j'ai la première fois que je suis allé à Bruxelles, j'ai remarqué que les maisons ressemblaient aux maisons de chez nous. Maisons en briques. Il y a aussi le style Baos qu'on retrouve à Bruxelles et qui est très présent à Bujumbura. Et puis, bien sûr, beaucoup d'amis étaient belges, sont belges, avec il y a un personnage pour qui j'ai beaucoup de tendresse dans le livre. Le Grand Jacques le Grand Jacques, oui. C'est ces Belges issus d'une autre époque coloniale qui ont un attachement très fort à l'Afrique. Et puis, c'est une époque aussi où il n'y avait pas de politiquement correct, alors qui ont aussi une espèce de racisme tendre, ouais. Si on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas non plus un racisme agressif, mais c'est une forme comme ça décomplexée de dire la différence, mais en même temps de se sentir bien dans un endroit. Oui, Grand Jacques, on pense à Brel, évidemment. Oui. C'est assez caricatural du colon belge qui vit en Afrique depuis des années. J'en lis un tout petit extrait, même si je lis... Ah bon, alors on va jouer un jeu. Je fais Grand Jacques et puis on fait les dialogues à deux, d'accord ? Bon, ça va un peu. Ça va parce qu'il reste encore quelques blancs aux Zaïre pour faire tourner la boutique. Sans moi, tu mendierais comme tous les autres de ton espèce. Quand je parle de Dieu, je parle de toi, patron, a répliqué le cuisinier avec malice. Te fous pas de ma gueule, macaque. Ils se sont mis à rire ensemble et Jacques a continué. Quand je pense que j'ai jamais su garder une bonne femme plus de 3 jours et que ça fait 35 ans que je me coltine ce chimpanzé. Tu aurais dû m'épouser, patron. Funga Quinoa, il va nous chercher ses bières au lieu de dire des conneries. Je signale que j'ai juste lu ce qui était écrit, hein, je ne serais jamais permis. Alors, c'est assez incroyable. Vous avez caricaturé cette époque où il fallait plusieurs brouettes de billets pour s'acheter une bière, hein, un verre d'eau. C'était avec des billets de 5 millions de Zaïre. C'était le Zaïre de Mobutu à l'époque. Oui, exactement. Je garde ce souvenir très original de ces gros billets de banque qui avait ou plusieurs zéros derrière, et puis les liasses que les gens avaient sur eux, même les plus pauvres étaient millionnaires. Il y avait quelque chose de complètement absurde, presque kafkaïen. Oui, surtout que vous, même si vous vivez de votre plume aujourd'hui, vous étiez dans la finance auparavant, vous travailliez pour un fonds d'investissement à Londres, je crois. Oui. Mais vous estimiez que votre métier à l'époque était néfaste pour la société. Oui, je le ressentais comme ça, parce que nous étions très bien payés et en même temps, on n'avait pas de prise avec le réel. Donc finalement, on était bien payés pour des choses qui ne touchaient pas l'humanité entière, mais juste une petite partie de cette humanité, les 1% comme on dit. Donc oui, je me suis senti mal à l'aise très rapidement. Oui, vous gagnez 10 fois plus peut-être qu'aujourd'hui, quoique maintenant, petit pays en tête, je crois, des ventes en France. Ça doit ramener peut-être un certain équilibre. Mais vous avez choisi d'être libre, un peu plus pauvre, mais libre. Oui, complètement. Pour moi, un métier ne doit pas servir à gagner de l'argent, mais gagner une forme d'honneur. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours. Vous rejoignez Giono qui disait « Les vraies richesses sont les richesses intérieures oui. ». Et nous sommes dans le jardin, Giono. Il y a un peu de bruit derrière nous. On oui. entend une fontaine qui coule, on entend des passants. Des pas sur le gravier. Oui, on entend l'Académie de musique qui répète le dimanche matin derrière. Il y a un peu d'ambiance, mais c'est de la radio comme on l'aime. C'est de la radio en couleur. Sur la première, les Belges du bout du monde avec Gaël Faye. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h ce matin. Gaël Faye, c'est troublant, le titre du roman, Petit Pays. Bon, déjà, c'est un peu la Belgique. Puis Petit Pays, c'était une superbe chanson aussi sur l'album. Si vous voulez bien, vous allez nous en offrir une version un peu dépouillée, acoustique, avec votre musicien. Avec grand plaisir. Vous le présentez, il s'appelle Samuel. Il s'appelle Samuel Kamanzi et il est également métis. Sa mère est rwandaise et son père est congolais. Et je l'ai rencontré à Kigali et c'est une très belle âme. Et je crois que vous êtes de la même génération à une année près. Oui, exactement. On est même nés la même année, en D'accord. 82, tous les deux. 82, ouais. Vous avez un peu plus que l'âge du Christ. Oui, 33 et des poutres, 34. C'est la résurrection. Oui, et votre héros s'appelle Gabriel. Oui, oui. C'est un ange, Gabriel. Oui, exactement. Oui. On écoute Petit Pays, guitare-voix, pris ici sur le vif par notre sorcier du son, Bernard Blave. Wanafunwani wapuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatohi, gaugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs renfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'ai même recommencé depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis, avant qu'on soit sénil, on ira vivre à Guissény, on fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatohi, gaugu kaniniya, warafunwani wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatohi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, Perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte en un linceul. Petit pays, pendant trois mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé, coupable de voyir, quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes, et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve. Petit pays, dans l'ombre le diable continue ses manœuvres. Et tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Cette mélodie vous dit sans doute quelque chose. Normal, elle sert depuis deux ans d'indicatif à notre émission Les Belges du bout du monde. La chanson s'appelle Petit pays. Comme son roman, d'ailleurs, c'est Gaël Faye que nous recevons ce matin sur la première dans cette émission spéciale réalisée depuis les correspondances de Manosque. Alors au programme ce matin, des versions inédites et acoustiques, comme celle-ci des chansons de Gaël Faye, que nous captons sur le vif, ici dans les jardins du centre Giono. Et puis des extraits de son roman que je vous lis en compagnie de Jessica Gloria, une jeune tintine reporter belgo-congolaise. Alors si vous voulez suivre cette émission en images, je vous invite à cliquer sur lapremière.be ou sur la page Facebook des Belges du bout du monde, où vous attend la version filmée de cette interview exceptionnelle avec le grand auteur du Petit Pays. Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première. Émission spéciale. Adrien Jovenot. Alors, Petit Pays, c'est un peu Le Petit Prince dans l'Afrique des Grands Lacs, ou Le Petit Nicolas, c'est selon, mais c'est écrit à hauteur d'enfant. C'était important de garder cette histoire au début d'un quotidien insouciant, d'avant la guerre, d'avant, je vais le dire à la Belge, d'avant 1993-94. Oui, c'était important parce que la guerre a jeté comme une chape de plomb sur mes souvenirs. J'ai quitté le Burundi précipitamment, j'ai mal vécu l'exil forcé et les souvenirs que je gardais du Burundi étaient trop empreints de violence. Et j'avais ce souvenir que quelque part, un bonheur avait été là, il y avait eu des temps d'émerveillement absolu, il y avait eu une douceur de vie. Mais malheureusement, même quand on se retrouvait entre anciens du Burundi, on parlait beaucoup trop de cette violence. Et j'avais envie de renouer le fil avec cette vie d'avant. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de petits pays, le roman à travers le génocide et la guerre. Mais les trois quarts du roman parlent quand même de cette vie d'insouciance de Gabriel. Des 400 coups, on va chipper des mangues, on va pêcher des hippocampes dans le Tanganyika, on fait des choses incroyables, on s'amuse. Ça, on ne va pas pêcher des hippocampes, mais j'aime beaucoup l'idée. Parce que c'est un clin d'œil à Hippocampe Fou aussi, oui. Qui est un de vos groupes. Et on boit des bières tièdes aussi, ça par contre. Ouais. Même du haut ses 10 ans, la bière c'est souvent tiède au Burundi. Oui, mais on dit même chaude. On demande si on veut une bière chaude ou une bière ikonje, quoi, oui, froide. Oui. Et Petit Pays, ben c'est ça, c'est aussi la fin de l'innocence et le paradis perdu que vous avez voulu retrouver. Oui, j'ai voulu retrouver cette atmosphère, ce quotidien, ce train-train insouciant, parce qu'il me permettait aussi de retrouver la manière dont la violence est arrivée subrepticement dans ce quotidien. Le génocide et la guerre ne sont pas des explosions subites, soudaines. Elles arrivent d'abord par les mots, elles arrivent par une attitude, par des comportements les uns envers les autres. Et c'est ces petits détails qu'il fallait aussi retrouver pour ressaisir le contexte. Vous êtes ce matin dans les Belges du bout du monde, sur la RTBF, la radio-télévision belge francophone, très écoutée, très suivie dans l'Afrique des Grands Lacs. Alors on va parler un peu télé et un peu radio. Je vais lire un extrait sur la télé, vous allez lire un extrait sur la radio. Au tout début du roman, le bruit de la télévision, il est dans un bar, oui. Il a des whisky devant lui. C'est le jour de son anniversaire. Voilà, exactement. Le bruit de la télé au-dessus du bar couvre un instant le cours de ma pensée. Une chaîne d'infos en continu diffuse des images d'êtres humains fuyant la guerre. J'observe leurs embarcations de fortune accostées sur le sol européen. Les enfants qui en sortent sont transis de froid, affamés, déshydratés. Ils jouent leur vie sur le terrain de la folie du monde. Je regarde confortablement, installé dans la tribune présidentielle, un whisky à la main. L'opinion publique pensera qu'ils ont fui l'enfer pour trouver l'Eldorado. Foutaise, on ne dira rien du pays en eux. La poésie n'est pas de l'information. Pourtant, c'est la seule chose qu'un être humain retiendra de son passage sur Terre. Oui, j'en suis persuadé que les seuls souvenirs qui restent gravés en nous, ce sont les souvenirs d'instants poétiques. Mais quand je dis poétiques, c'est-à-dire des choses sur lesquelles chacun met une valeur qu'on ne peut pas finalement partager. Il y a par exemple souvent les gens sur leur lit de mort ne parlent pas de la voiture ou de la maison qu'ils ont achetée, même si toutes nos vies des fois sont centrées sur ça, sur l'appât du gain, essayer d'accumuler des biens. Mais au final, sur un lit de mort, les souvenirs qui nous restent sont des souvenirs d'enfance, des souvenirs très doux, des souvenirs qu'on ne peut pas formaliser, ni monnayer, comme un parfum d'éternité. Je pense. Ouais. Vous parlez de la radio dans le livre, ça commence de façon très, très insouciante et puis ça se termine plus gravement. On sait le rôle de la radio dans la guerre, dans le génocide, là, que ce soit au Burundi, mais surtout au Rwanda, avec Radio Mille Collines. C'est page 142, 143. Vous prenez le train en marche où vous voulez dans le récit, Gaël Faye. Maman a allumé la radio et le rythme entraînant de la chanson de Papa Wemba a aussitôt envahi l'habitacle. Les cousins se sont mis à gigoter et Christian m'a regardé d'un air malicieux en soulevant ses sourcils et en remuant les épaules comme un danseur éthiopien. Tante Sébi s'est empressée de monter le son de la radio. Depuis le coffre, je voyais les têtes se balancer de gauche à droite au rythme de la musique. Au refrain, les filles chantaient « Maria Valencia, eh, eh, eh ». Cela amusait maman qui se retournait pour me jeter des clins d'œil complices. Un animateur de la radio faisait le clown, chantait par-dessus la musique. Je ne comprenais que certains mots dans ses phrases en Kinyarwanda. Radio 106 FM, radio sympa, Papa Wemba. Sur un ton enjoué, il reprenait le refrain, parlait, plaisantait, un vrai zouave à l'antenne. Je m'étais prise au jeu. Moi qui pourtant détestais danser, je me trémoussais, frappais des mains n'importe comment et chantais « Eh, eh, eh » avec enthousiasme. Quand soudain, j'ai remarqué que plus personne ne bougeait. Les visages des cousins avaient changé d'expression. Christian était figé. Tante Sébi a brusquement éteint la radio. Plus personne ne parlait dans la voiture. Sans voir le visage de maman, je sentais son malaise. J'ai regardé Christian. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, des bêtises. C'est l'animateur de la radio, ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait ? Il a dit que tous les cafards doivent périr. Les cafards ? Oui, les cafards. Les Inyenzi. Ils utilisent ce mot pour parler de nous, les Tutsis. Waouh, on revit avril 1994, le début du génocide au Rwanda et puis le rôle de la radio dans ce qu'elle a de pire. Ouais. Parce que la radio est capable, comme l'homme, du pire comme du meilleur. Bien sûr. Là, on va passer au meilleur. Avec un petit clin d'œil à Kajanine que vous faites dans le livre. c'est amusant parce que bon, c'est votre grande sœur. Hein. C'est, oui, elle est de la génération de ma mère. Ouais. Oui, même elles étaient voisines petites. Et Kajanine, c'est une très grande fierté pour le Burundi parce qu'elle a porté très haut les couleurs de ce pays. Elle l'a fait connaître au monde à un moment où il était encore plus inconnu qu'aujourd'hui. Et je me souviens que petit garçon... dans les rues de Bujumbura, on était très fiers de cette dame qu'on voyait passer. Elle avait une Mercedes, un peu brinque-ballante comme ça, mais elle était toujours pieds nus. Et ça nous intriguait. Comment quelqu'un qui passe à la télé, quelqu'un qui est si renommé mondialement, peut marcher pieds nus comme ça? Et on adorait cette femme. Et elle allait à l'école Stella Matutina. Ouais, Stella Matutina. Ça, je ne sais pas si elle allait là-bas, mais en tout cas, oui, je vois très bien l'école Stella Matutina, où est-ce qu'elle est, en face de la clinique où d'ailleurs je suis né. Un extrait de Kajanine qu'on écoute avec plaisir ici dans les jardins du centre Giono à Manosque pour cette émission Les Belges du bout du monde avec Gaël Faye. Gaël, vous êtes venu avec votre musicien, votre ami Samuel Kamanzi. Qu'allez-vous nous offrir comme chanson maintenant ? La chanson s'appelle TV et c'est mon rapport à la télévision depuis petit. On en parlait à l'instant, ça tombe bien. Exactement. Et c'est un inédit, hein, c'est un cadeau. Oui, tout à fait. La première présente... Francophone. Le festival de la biodiversité musicale. 35 concerts à Bruxelles, du 6 au 16 octobre. Avec Dan, Daran, Françoise Brut, Roméo Elvis, Baz, Louis-Jean Cormier et plein d'autres. Info et tickets, francophone.be. Avec la Cocof, Sabam for Culture et Focus Vif. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même lorsque vous rentrez de vacances par un temps typiquement belge. J'ai froid. Ah oui, mais pourquoi t'as pas pris un manteau ? Mais j'en avais pas besoin, Barcelone, de mon manteau. Ah oui. Bah donne-moi le smartphone, j'ai déjà mettre le chauffage à la maison. Oh, t'es chou. Augmentez votre chauffage à distance ? C'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. La Une présente le Vaux Rire, le Festival international du rire de Liège. Du 20 au 23 octobre, 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, Le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be, avec le soutien de la première. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyé spécial en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous. Et c'est l'ingénieure Sarah qui va construire le plus long pont du monde. Pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve. Aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong. J'ai presque fini. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Même au fin fond de mon petit pays, je regardais ma lucarne. Les convulsions du monde nous parvenaient comme un lointain vacarme. Souvent la télé se partageait avec l'ensemble du voisinage. La mondovision canapée transforme le globe en un village. Effraction de l'imaginaire, partageons tous la même doxa. Roger Milla en coupe du monde et le monde danse le Makossa. La guerre du golfe de Mr. Bush avant fiston, il y avait papa. Et je matais le pillage des pipelines en bouffant mes papas. Et nous étions tous ces mêmes gamins rêvant d'entrer dans la Dream Team. Malgré l'arceau dans mon jardin, j'ai jamais vu Patrick Ewing. Je me suis accroché à des rêves souvent très loin de mon quotidien. Je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien. On pensait tenir aucun rôle dans le programme de leur feuilleton. Mais un jour en Gaule, à la Baule, il y a eu le discours de tonton. Démocratie, multipartisme, fallait ranger les pistolets. Comme rien n'est simple, la guerre a éclaté. J'ai éteint ma télé. Yokae, yoka, yokae. Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis en charentaise à se demander c'est quoi la télé ? C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert ? L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'un million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo, pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Les battements du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de rimes. Yokae, yoka, yokae. Yokae, yoka, yokae. J'ai perdu mon jardin d'Éden où je me nourrissais de mangue. Je suis prisonnier de mes chaînes vu qu'ici la télécommande. Je l'ai rallumé dans un trois pièces d'un immeuble surchauffé et je l'ai entretenu comme le feu parce que dehors je me l'ai congelé. Loin dans mon exil, je zappe ceux qui ont pris ma place. Et quand on joue sur leur terrain, c'est souvent rare qu'on te remplace. Je fais une pause. Le temps d'une pub Coca-Cola, insérée entre un mur qui tombe et la sortie de Mandela. On a grandi en continu, comme un flot d'informations. Et je me suis perdu dans ma rue, sous un amas de béton. Les souvenirs de ma vie se mélangent à toutes ces images diffusées. Et vivre hors champ de la caméra, c'est souvent ne pas exister. On nous gave d'images à satiété, de sexe, de fric et de faucheuse. Alors j'écris des textes comme un écho de nos vies silencieuses. Sur leur écran, on est des bouts de pixels perdus dans la foule. Et nos vies s'écoulent, coulent, pendant que le monde s'écroule. Yokae, yoka. TV, c'était Gaël Faye sur la première dans Les Belges du bout du monde, réalisé à Manosque. Hein, vous l'avez entendu, ce sont des prises acoustiques. Vous aimez ça? Même ici à Manosque, vous avez fait des apéros littéraires, des lectures musicales, et chaque fois les chansons sont différentes. Oui, j'essaye que chaque concert puisse être unique, même si je pars de... souvent des mêmes textes et des mêmes thématiques, mais d'essayer de faire de mes concerts des discussions amicales. Donc toutes les discussions sont différentes en général. Ouais. Alors ici à Manosque, Jean Giono écrivait « Le soleil n'est jamais aussi beau que le jour où l'on prend la route ». Vous aimez prendre la route et partir, surtout sous un soleil comme ceci, sur un ciel aussi bleu? Oui, je crois que c'est l'idée qui ne me quittera jamais, l'évasion, c'est ma philosophie de vie. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Dans votre livre Petit Pays, beaucoup de références musicales à des amis. On parlait de Kadjani, il y a des références historiques, littéraires. Comme on dit en Afrique, un homme sans culture est un zèbre sans rayures. J'ai aussi lu un autre proverbe dans votre livre, page 85, « Qui ne sait pas grimper à l'arbre reste à terre ». C'est une allusion à la démocratie qui n'est pas... au même rythme que dans la vieille Europe? Oui, c'est la démocratie, je pense que c'est un processus très long. Et que même en Europe, on prend ça pour acquis, mais ça ne l'est pas. Il y a toujours des tentations totalitaires qui sont là et qui émergent de ci, de là. Donc oui, on ne peut pas demander à des populations d'être matures pour cette idée en si peu de temps. Et c'est ce qui s'est passé au Burundi. En 90, il y a eu le discours de la Baule de Mitterrand, où on a enjoint les pays africains à rentrer dans des processus de démocratisation très rapides. Et donc on a vu ce qui s'est passé, c'est que 3 ans après, le nouveau président avait été élu, mais personne n'était prêt à ça. Donc tout ça a viré rapidement au cauchemar. Vous êtes retourné dans votre pays natal ? Mon pays natal, j'aimerais y retourner, mais depuis un an, le Burundi traverse une situation politique extrêmement grave, extrêmement préoccupante. Et donc, je n'attends qu'une chose, c'est que la situation change, évolue. Mais j'ai envie de dire que les signes, il n'y a aucun signe positif à l'horizon. Donc, il faut maintenir, je pense, une attention auprès du Burundi, une attention internationale. Une attention de chaque Burundais, même les Burundais en exil, de la diaspora. et puis travailler à ce que la paix maintienne et que l'ethnisme surtout ne reprenne pas le pas sur la politique. Parce que ces dernières années, on avait fait énormément de progrès à ce niveau-là. Il n'était plus question de Hutu et de Tutsi dans le jeu politique. Et là, cette question est agitée à nouveau par les dirigeants actuels. Aujourd'hui, vous vivez dans le pays voisin, oui. Le Rwanda. Sur la carte d'identité, ce n'est plus écrit Hutu, Tutsi. Non, bien heureusement, sinon je n'y serais pas retourné. Je rêve d'un Rwanda, de Rwandais, qu'il n'y ait plus de distinction. Et que les Rwandais et les Burundais soient des peuples tout simplement amis, frères. Je vais me permettre de lire un extrait de la fin de votre roman Petit Pays, page 212, page 213. Le narrateur raconte son parcours, un peu comme le vôtre, entre deux continents, deux pays, deux rives. Je vis depuis des années dans un pays en paix, où chaque ville possède tant de bibliothèques que plus personne ne les remarque. Un pays comme une impasse où les bruits de la guerre et la fureur du monde nous parviennent de loin. Je tangue aujourd'hui entre deux rives. Mon âme a cette maladie-là. Des milliers de kilomètres me séparent de ma vie d'autrefois. Ce n'est pas la distance terrestre qui rend le voyage long, mais le temps qui s'est écoulé. J'étais d'un lieu, entouré de famille, d'amis, de connaissances et de chaleur. J'ai retrouvé l'endroit, mais il est vide de ceux qui le peuplaient, qui lui donnaient vie, corps et chair. Mes souvenirs se superposent inutilement à ce que j'ai devant les yeux. Je pensais être exilé de mon pays. En revenant sur les traces de mon passé, j'ai compris que je l'étais de mon enfance, ce qui me paraît bien plus cruel encore. Et c'est ce que votre livre a d'universel, parce que si on n'est pas tous déracinés d'un pays, on est tous déracinés de son enfance. Oui, c'est le malheur de chaque adulte. Alors, peut-être que certains sont heureux d'être déracinés de leur enfance parce qu'il arrive qu'il y ait des enfances difficiles et qu'on ait ce sentiment de s'en être sorti. Mais je pense que pour beaucoup d'adultes, il y a aussi cette part de bonheur et de naïveté qui appartient à un âge révolu et quelque part, on aimerait y retourner, mais cette enfance a disparu à jamais. On va rester dans les souvenirs d'enfance avec une évocation sur votre album Pili Pili sur un croissant au beurre de votre papa qui a fait un voyage à vélo. on écoute la chanson interprétée ici en acoustique depuis les jardins Giono à Manosque et on en parle juste après. Quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves. Au large des paupières, enfourcher son vélo. Repartir à zéro, petit gaune de Lyon, aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager. Pour ouvrir de nouveaux yeux, orpailleurs d'horizon. Y'a que des hôtels mille étoiles, pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit. Petit croissant beurre, petit français qui flâne, Élisée Kerouac et chanter Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain. Épouser la nature et de pays en pays. Il pédale et de guerre en maladie. Il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili pili pili pili pili pili pili. Pili pili pili pili pili pili pili. Pili pili sur un croissant au beurre. Pili pili pili pili pili pili pili. Pili pili pili pili pili pili pili. Pili pili. Sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire. Elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre. Et la terre des ancêtres n'était qu'un vaste mouroir. Et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Les murs de sa chambre au vert papier peint, recouverts de posters de salut les copains, étaient son antre, où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris, en attendant le bus sous un arbre en fleurs, son destin croise, celui d'un croissant au beurre. Pili pili pili pili pili pili pili, pili pili pili pili pili pili pili, pili pili sur un croissant au beurre. pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili pili sur un croissant au beurre. Elle et il, aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un nid, d'un croissant beurré, d'un piment swahili qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie malgré toutes les routes crevées d'ornières dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches. Malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Pili Pili sur un croissant au beurre, c'est bien, ce sont les deux cultures, ces voyages à vélo réalisés par votre papa, c'est pas de la fiction, votre papa est vraiment parti de l'Europe pour aller à bicyclette jusqu'au Burundi. Oui, son idée c'était de faire le tour du monde en vélo, mais il n'avait pas prévu de s'arrêter au Burundi. Le malheur de son histoire par rapport à son voyage, c'est qu'il est tombé amoureux. Finalement, sinon vous ne seriez pas là. Hein. Ah, sinon je ne serais pas là. Bon, le malheur d'un voyageur peut faire le bonheur d'un sédentaire. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes dans les Belges du bout du monde, vous êtes franco-rwandais, un peu belgo-burundais aussi. C'est Gaël Faye, notre invité, jusqu'à 10h. Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF. Alors Gaël Faye, votre livre Petit Pays connaît pour l'instant un succès fulgurant, prix roman Fnac, meilleure vente en France, et je me suis laissé dire qu'il était parmi les nominés pour le Goncourt dans une des dernières listes qui circulent, c'est exact, vous confirmez ? Ouais, je confirme. D'accord, d'accord. On ne sait rien dire d'autre, là, on confirme. Apparemment, je suis sur la liste du Goncourt, du Médicis, du Fémina, du Prix du Style, du. Enfin, voilà, et puis ça. La liste se rallonge et je regarde ça stupéfait. Gaël Faye, vous êtes lu par toutes les générations. Ici à Manos, que j'ai assisté hier soir à une lecture, il y avait vraiment des jeunes rappeurs qui vous écoutaient avec la casquette à l'envers et qui faisaient des signes pendant que vous chantiez. C'était étonnant. Il y avait des personnes du 3e, voire du 4e âge. Et puis des jeunes de la génération de Jessica. Est-ce que vous connaissez Jessica Gloria ? Jessica Mensa, parce qu'elle a plusieurs noms, parce que comme vous, elle écrit, elle est journaliste et elle chante aussi, Jessica. Ah, mais ça, je ne savais pas. Oui. Bon, je ne vais pas la mettre mal à l'aise, mais c'est une des lauréates de l'émission The Voice en Belgique. Ah, d'accord. Bon, bah, enchantée. Désolée. J'en parle pas souvent, non. D'accord. Alors, Jessica, vous avez lu le livre de Gaël, évidemment, comme plein de jeunes de votre génération, et vous allez en lire un extrait ce matin sur la première dans Les Belges du bout du monde. C'est une lettre. Oui, c'est une lettre d'une correspondante française qui écrivait avec Gabriel, héros du livre. On vous écoute, c'est page 51. Et donc là, c'est Gabriel qui écrit à Laure. Cher Laure, Gabi, c'est mon nom. De toute façon, tout a un nom. Les routes, les arbres, les insectes. Mon quartier, par exemple, c'est Kinanira. Ma ville, c'est Bujumbura. Mon pays, c'est le Burundi. Ma sœur, ma mère, mon père, mes copains, ils ont chacun un nom qu'ils n'ont pas choisi. On est avec, c'est comme ça. Un jour, j'ai demandé à ceux que j'aime de m'appeler Gabi au lieu de Gabriel. C'était pour choisir à la place de ceux qui avaient choisi à ma place. Alors, pourras-tu m'appeler Gabi, s'il te plaît ? J'ai les yeux marrons, donc je ne vois les autres qu'en marron. Ma mère, mon père, ma sœur, Protée, Donatien, Innocent, les copains, ils sont tous laids au café. Chacun voit le monde à travers la couleur de ses yeux. Comme tu as les yeux verts, pour toi, je serai vert. J'aime beaucoup de choses que je n'aime pas. J'aime le sucre dans la glace, mais pas le froid. J'aime la piscine, mais pas le chlore. J'aime l'école pour les copains et l'ambiance, mais pas les cours. Grammaire, conjugaison, soustraction, rédaction, punition, c'est la barbe et la barbarie. Plus tard, quand je serai grand, je veux être mécanicien pour ne jamais être en panne dans la vie. Il faut savoir réparer les choses quand elles ne fonctionnent plus. Mais c'est dans longtemps tout ça. Je n'ai que 10 ans et le temps passe lentement, surtout l'après-midi, car je n'ai jamais école. Et le dimanche, car je m'ennuie chez ma grand-mère. Il y a 2 mois, on a vacciné toute l'école contre la méningite, sous le grand préau. Si tu tombes malade des méninges, c'est grave. Tu ne peux plus réfléchir, il paraît. Alors le proviseur a insisté auprès de tous les parents pour que l'on nous fasse la piqûre. C'est normal, c'est son affaire, nos méninges. Cette année, il va y avoir des élections pour élire un président de la République au Burundi. C'est la première fois que ça arrive. Je ne pourrai pas voter, il faut que j'attende d'être mécanicien. Mais je te donnerai le nom du vainqueur, promis. À bientôt, bisous. Il s'est signé Gabi. C'est

pas réagi. C'était il y a un mois, le 2 septembre, Caterpillar annonçait son intention de fermer l'usine de Gosselies. La région wallonne essaye aujourd'hui d'établir une liste précise des travailleurs qui vont rester sur le carreau avec l'aide de l'agence wallonne à l'exportation. Écoutez Eric de Clercq, le directeur de la WEX à Charleroi. Le débat aujourd'hui, c'est d'affiner cette liste, surtout au niveau de ce qu'on appelle le deuxième rang, c'est-à-dire les sous-traitants des sous-traitants qui, a priori, ne sont peut-être pas immédiatement connus. Et c'est là-dessus qu'il y a urgence, parce que la SOGEPA articulera son action, évidemment, en fonction de chacun individuel. Le cabinet a de multiples réunions pour l'instant avec les sous-traitants afin de déterminer un petit peu l'impact, tant au niveau du temps que de la masse, que ça pourra représenter. Tant qu'on n'a pas une idée beaucoup plus affinée du nombre d'entreprises et du nombre de travailleurs, ce serait un peu cavalier de venir avec des conclusions trop rapides. Des propos recueillis par Cédric Loriot. Comment protéger la côte belge de la montée des eaux? Cette question inquiète de plus en plus la Flandre. Une solution semble aujourd'hui se dégager, créer une île artificielle. La Flandre y pense sérieusement, Simon Bourgeois. La région vient en tout cas de dégager 8 millions d'euros pour faire une étude, voir si ce serait vraiment efficace, combien ça coûterait, où est-ce que ce serait exactement. Tout ça est donc encore au stade de projet, mais qui pourrait exister d'ici 4-5 ans déjà, si ça se concrétise. Une île de 2 km de long à un gros kilomètre de la plage de Knokk, une sorte de digue naturelle, un long banc de sable. Ça pourrait au passage être une réserve naturelle pour les animaux ou bien un nouveau port. Tout ça est encore à déterminer. Ce qui est sûr, Simon, que ce soit cette île ou autre, la Flandre doit absolument faire quelque chose pour protéger la côte. Le littoral est protégé de la montée des eaux et des grosses tempêtes jusqu'en 2050 pour le moment. Ça, c'est l'estimation des politiques. On lissera vite, la mer monte d'un centimètre tous les 3 ans et les premiers exposés, ce sont les Flamands. Évidemment, alors ils anticipent, ils réfléchissent, ils essayent de voir quelle serait la meilleure solution pour se protéger. Cette île permettrait d'être tranquille jusqu'en 2100, puis elle pourrait être agrandie jusqu'à 6 km de long, la taille de 600 terrains de foot. Merci Simon Bourgeois. En sport, football, le Standard Anderlecht, le Classico comme affiche ce dimanche. Les frères ennemis s'affrontent à Sclessin à 18h. Deux équipes qui affichent toutes les deux le même bilan de 15 points sur 24. Mais lors des 4 derniers matchs, les Mauves se sont à chaque fois inclinés en bord de Meuse. En revanche, côté Standard, on a à cœur de continuer sur sa série de victoires, comme l'explique Adrien Trebel. C'est vrai que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On enchaîne les victoires. À nous de continuer pour rester dans ce top 6. Comme je l'ai dit, nous, on essaye de grandir match après match. On se prend pas la tête, on travaille dur aux entraînements et le coach est là pour nous remettre en place si quelque chose ne va pas. Maintenant, moi, je me préoccupe pas trop d'Anderlecht, mais plutôt du Standard parce qu'aujourd'hui, c'est nos prestations qui comptent et pas celles de l'adversaire. Des propos recueillis par Thierry Luters. Autre affiche cet après-midi, le choc entre le club de Bruges et la Gantoise. Hier soir, Moucron a étrié Eupen 1-4, tandis que le Sporting de Charleroi a partagé l'enjeu contre Zulte Waregem. En Formule 1, le Grand Prix de Malaisie est toujours en cours. Pour l'instant, le Britannique Hamilton est en tête devant Ricciardo et Verstappen. Vettel a lui abandonné dès le premier tour. Quant à Rosberg, le leader actuel du championnat du monde, il est actuellement cinquième. Enfin, si vous n'avez pas eu le temps de faire toutes vos courses de la semaine hier, sachez que près de 5000 magasins ouvrent leurs portes aujourd'hui dans plus de 300 villes et communes. C'est la 3e édition du Sunday Shop Day, une initiative de Comeos, la fédération du commerce et des services en Belgique. Des magasins de vêtements, mais également de matériel de jardinage, d'électroménager, de décoration, participent à cette action. Quoi que vous choisissiez, passez une très belle journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Et j'espère que vos emplettes sont faites, cher Alain. Mais nous sommes ouverts tous les dimanches. C'est tous les dimanches le Sunday Radio Day. On retrouve les informations à 11h. Merci Nathalie. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. La première. 10h-11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF. Avec Alain Gerlach. Bonjour à tous. Le BlackBerry, c'est fini. C'est aussi la fin d'une époque. Retour sur les raisons de son succès et les causes de sa chute. Y a-t-il un lien entre l'existence de médias publics et la bonne santé démocratique d'un pays? Oui, répond l'UER, l'Union européenne de radio-télévision. Son président, Jean-Paul Philippot, sera notre invité. Ça ne pouvait pas rater, la pub s'empare de la réalité virtuelle. C'est ce que nous racontera Frédéric Brébant dans Tendance Pub. Théo Franken dérape sur Facebook. Une ex-ministre française annonce la mort de Jacques Chirac sur Twitter. Les réseaux sociaux sont-ils devenus le défouloir des responsables politiques? Vous écoutez Les Décodeurs, le magazine qui prend le temps de décrypter l'actualité du web, des médias et de la communication. 10h-11h, Les Décodeurs RTBF sur la première. Vous pouvez aussi bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter avec le compte et le mot-clé LDC RTBF et la page Facebook Les Décodeurs RTBF. Vous y trouverez toutes les infos sur l'émission et vous pourrez aussi réagir. Le Centre Pompidou sera le partenaire du futur musée d'art contemporain de Bruxelles. Au-delà de la collaboration artistique, c'est aussi une question de marque, d'image et de communication. C'est le coup de com' de la semaine. Voici le futur musée d'art moderne et contemporain de Bruxelles. Parmi les tableaux, beaucoup viendront d'un musée de renommée internationale avec qui la région bruxelloise s'est associée, le Centre Pompidou à Paris. Qui ne connaît pas le Centre Pompidou aujourd'hui? En plus, il dispose d'une collection extraordinaire. L'un plus l'autre faisait de Pompidou le partenaire incontournable. Nous avons pensé que c'était une très belle opportunité de mettre à sa disposition toutes nos richesses. D'ailleurs, nous pourrons aussi l'aider, la conseiller dans ses acquisitions. Et nous entendions successivement Rudy Verwoerd, le ministre-président de la région bruxelloise, et le président du Centre Pompidou, Serge Lavigne. Avec nous au téléphone, Chloé Beaufailly, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication du musée de la Bovrie à Liège. Et notre chroniqueur, Frédéric Brébant, journaliste à Transcendance. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors justement Frédéric, aujourd'hui le monde de la culture, on le voit, il n'échappe pas au phénomène des marques. Oui, c'est clair que les musées deviennent des marques. Et pour utiliser un terme économique, ces musées ouvrent des filiales. Hein. L'un des plus beaux exemples réussis, lorsqu'on a vu le Guggenheim New York ouvrir un nouveau musée à Bilbao en 97, on a vu que ça a tout de suite généré un grand succès économique, un grand succès touristique, alors qu'on pouvait être dubitatif au départ. Il y a d'ailleurs un projet de Guggenheim Abu Dhabi hein, aussi qui est en cours, tout comme le Louvre hein, lui-même va ouvrir en février prochain une antenne à Abu Dhabi, 1 milliard d'euros d'investissement, l'architecte Jean Nouvel est derrière. Donc oui, on le voit, il y a des marques qui sont des musées, d'abord, hein, c'est d'abord culturel, j'en conviens, je ne voudrais pas faire bondir les amateurs de culture, mais ces musées deviennent malgré eux des marques. Mais alors, on l'a vu lors de la présentation du projet aux médias, cette marque Beaubourg ou Pompidou, ça valide en quelque sorte le nouveau musée. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs projets qui se sont opposés à Bruxelles, mais le fait que la région bruxelloise vienne avec un projet estampillé Pompidou d'office, c'est un win-win à la fois pour Bruxelles qui bénéficie de l'aura d'une marque, en l'occurrence le Centre Pompidou, et pour le Centre Pompidou, ça fait preuve aussi d'un certain dynamisme. D'une exportation avec peut-être un retour sur investissement, parce que faut le dire aussi, hein, le Centre Pompidou a ouvert une antenne à Metz, un pop-up musée, comme ils disent ça, un musée éphémère à Malaga, hein, prévu pour 5 ans. Mmh. Et ils développent aussi des projets en Chine, aux États-Unis, en Argentine. Donc oui, c'est win-win à la fois pour la ville de Bruxelles et pour le Centre Pompidou. Alors on va tester ça avec un exemple concret aussi, hein, Chloé Beaufailly, puisque le musée de la Bovrie à Liège vit une expérience un peu comparable avec le musée du Louvre, c'est bien ça? Mais oui, absolument. Donc, dans le cadre de l'ouverture du musée de la Bovrie, de la réouverture, devrais-je dire, la ville de Liège a fait le choix de s'allier dans le cadre d'un partenariat avec le musée du Louvre. Et effectivement, la démarche est double. Premièrement, c'est de mettre en valeur notre qualité et notre projet par le biais d'un label qualité, si je peux m'exprimer ainsi, avec ce partenariat Louvre. Mais aussi de pouvoir donner au Louvre, enfin en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, la possibilité de pouvoir donner un dynamisme dans de la consultance vers des musées de province et de pouvoir se réinventer un peu le modèle du musée que eux ont mis en place. Alors ce n'est pas qu'une question d'image, bien sûr, vous l'avez dit, il y a un vrai partenariat, une collaboration artistique, mais ça joue quand même auprès du public, ça vous donne une sorte de label. Oui, tout à fait, c'est un label. Un label de qualité. Un label de qualité, tout à fait. C'est un label de qualité qui se voit et qui se vérifie. Donc, effectivement, nous, on a fait le choix d'avoir, d'avoir une visibilité du Louvre plutôt graphique qu'audio. Mm-hmm. Donc, l'identité Louvre se remarque sur tous nos supports graphiques, mais effectivement, c'est effectivement un label de qualité qui se vérifie. On a un véritable partenariat avec le Louvre qui se manifeste par le biais d'expositions organisées en commun, mais aussi par rapport à toute une série de partenariats et d'actions que nous menons en commun au niveau structurel pour le musée. Et c'est le cas en termes de communication, c'est le cas en termes d'accompagnement des publics, en termes de réflexion sur la tarification. Donc c'est vraiment un réel partenariat structurel qu'on a avec le Louvre. Et évidemment, c'est aussi une magnifique porte pour la communication. Mais en même temps, ce n'est pas toujours suffisant. Hein. Frédéric parlait d'autres exemples. Le Louvre Lens, le Centre Pompidou à Metz. Eux, ils peinent quand même un peu à décoller. Mais vous, vous êtes dans une autre configuration puisque vous avez aussi, si j'ose dire, une marque locale. Oui, tout à fait. Nous, on a une marque locale. Donc, c'est vrai qu'on est parti d'un projet existant. Donc, le projet de la Beauverie était existant. Et on a voulu, par le biais de ce partenariat avec le Louvre, aller chercher vraiment la qualité auprès d'un partenaire dont c'est le métier. Dont c'est le métier d'organiser des expositions, d'attirer des milliers de visiteurs. Et donc, mais au départ d'un projet existant, donc le projet de la Beauverie part d'un projet local et est ancré dans une réalité locale. Et c'est particulièrement important. C'est particulièrement important pour faire rayonner Liège. C'est particulièrement important de garder notre identité. Et puis, le projet est tout à fait a quand même une réalité et une base existante. Frédéric, c'est important pour vous cet ancrage local? Oui, mais on peut parler aussi de diversification, de délocalisation, dans la mesure où, par exemple, voilà, il y aura des œuvres du Louvre qui vont se retrouver à Liège, et pour le Centre Pompidou à Bruxelles, il faut savoir que le Centre Pompidou a 120 000 œuvres et il n'expose que 10%. Oui. Donc ça permet à une marque de faire tourner son patrimoine, de le rentabiliser, de le faire voir, et donc à l'acteur local qui accepte et qui accueille cette collection, de faire tourner aussi son propre fonds de commerce et de faire ramener le visiteur. En même temps, on ne voit pas nécessairement ça de la même manière à Bruxelles et à Paris. Ça m'a frappé que l'RTBF cite le Centre Pompidou, partenaire du futur musée d'art contemporain de Bruxelles, et le Figaro titre « Le Centre Pompidou va ouvrir une antenne à Bruxelles ». C'est quand même un peu différent. C'est le complexe de supériorité des Français. Chloé Beaufailly, c'est important d'être sur un pied d'égalité quelque part quand même. Oh, sur un pied d'égalité, certainement. Et nous, par exemple, nous avons fait le choix de ne pas être une antenne. Donc, nous ne sommes pas le Louvre-Liège. Mmh. Nous sommes la Beauverie qui travaille en partenariat avec le Louvre. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'on parlait d'ancrage local. C'est important pour les Liégeois de savoir qu'ils ont un projet et qu'un partenaire tel que le Louvre a voulu s'y associer. Mais nous gardons notre identité et nous sommes tout à fait sur un pied d'égalité avec le Louvre. Et ça se confirme dans les relations que nous entretenons avec nos partenaires. Alors, les Liégeois, mais aussi les Wallons, les Bruxellois, les Flamands et tous les étrangers qui viennent chez vous. On va terminer en rappelant la grande expo qui est en cours à la Beauverie actuellement. Chloé. Tout à fait, une exposition splendide, 21 rue La Boétie, donc une exposition qui retrace l'histoire de Paul Rosenberg, le grand-père d'Anne Sinclair, toute son histoire en tant que marchand d'art, qui a dû fuir étant juif pendant la guerre, la naissance de l'art moderne. Une exposition magnifique que je vous invite à visiter jusqu'au 29 janvier 2017. Merci Chloé Beaufailly. Frédéric, on vous retrouve dans quelques minutes pour votre chronique Tendance Pub. Vous allez nous parler de réalité virtuelle. Mais d'abord, une page qui se tourne, la fin des BlackBerry, séquence nostalgie avec Gilles Coastio. Les décodeurs RTBF sur la première. Bonjour Gilles. Bonjour Alain. Le constructeur canadien BlackBerry a donc décidé d'arrêter le développement et la production de smartphones. C'est la fin d'une époque. C'était en fait avec les Nokia haut de gamme, les premiers appareils qui permettaient une réelle connectivité, plutôt par email d'ailleurs, d'où leur énorme succès à l'époque auprès des cadres. On est là au début des années 2000, avant finalement l'arrivée du vrai smartphone. Voilà, alors tout à fait, c'était vraiment un peu les premiers modèles de smartphones à l'époque, et effectivement, c'était d'abord destiné à une clientèle, on va dire, un petit peu haut de gamme, hein. Vous parliez des cadres, c'était vraiment, vraiment dans ce domaine-là qu'on l'utilisait le plus. Alors, l'âge d'or de BlackBerry, c'était vraiment les années 2009-2010, là, ils occupaient 20% du marché mondial du smartphone, donc c'était une des stars du marché, mais alors évidemment, entre-temps, eh bien, il y a l'iPhone qui a commencé à prendre un petit peu plus de place, oui. Et les parts de marché de BlackBerry et les ventes se sont évidemment fortement érodées, et là, les dernières années, on tournait en dessous d'1% de parts de marché, donc vraiment des ventes très confidentielles. L'arrivée du smartphone tel qu'on l'a identifié, l'iPhone à l'époque, c'était 2007, on ne pouvait pas surfer avec les premiers BlackBerry, c'était surtout les messages qui passaient. Voilà, c'était essentiellement ça, c'était les messageries, c'était tout ce qui était email, et avec une grande sécurité aussi autour de ces emails et de ces échanges, hein. C'est ça qui avait convaincu tout d'abord bien les entreprises essentiellement à acheter ces appareils. Mais alors, bon, c'était une première version, on va dire, des smartphones, mais ce qui a véritablement lancé le marché, ce qui a révolutionné le marché, c'est l'arrivée de l'iPhone, vous le disiez, en 2007. Et là, avec un écran tactile, et avec évidemment le système d'application, hein, que tout le monde par après a adopté. Et ce système-là et cet écran tactile, eh bien, BlackBerry n'y a pas cru au début. Hein, les dirigeants parce que BlackBerry, ce qui en faisait la caractéristique fondamentale, et c'était aussi lié au fait que c'était évidemment un outil pour des messageries, c'est qu'il y avait un clavier physique, hein, avec des petites touches pour, voilà, c'était pour les vraiment, c'était vraiment un clavier à petites touches. Alors, il ne fallait pas avoir des trop gros doigts, hein, mais visiblement, c'était quelque chose qui plaisait quand même, malgré tout, à l'époque. Et les dirigeants de BlackBerry, à l'époque, ne croyaient pas du tout au tactile, parce qu'ils considéraient que ça ne fonctionnait pas, qu'on n'avait pas une bonne prise sur le clavier et qu'il fallait véritablement le clavier physique pour pouvoir faire ces échanges. On a vu que les écrans se sont agrandis au fur et à mesure et que les écrans tactiles et les claviers tactiles se sont nettement améliorés, et BlackBerry a été complètement ringardisé. Alors, vous l'avez dit, BlackBerry a été très prisé par les cadres, les dirigeants, y compris les politiques. Et même un président. Look, I was this cool high-tech guy when I got there, right? Yeah. And I was the first president to have a BlackBerry. And so years pass, and no one else has BlackBerry. And you know, I still got the clip on the belt. Oh my goodness! Right? On reconnaît le président Obama, il explique que c'était un fan d'high-tech à l'époque et qu'il a été un des premiers à avoir un BlackBerry, et qu'au moment de l'enregistrement de cette interview, il était encore un des derniers à en avoir un, mais il avait encore le petit clip, hein, parce qu'on avait un petit clip à la ceinture, j'ai aussi eu un BlackBerry, qui permettait de le porter avec soi, et ça aussi c'était nouveau. BlackBerry ne disparaît pas tout à fait, la marque existe toujours mais fera autre chose. Voilà, alors tout à fait, donc ils arrêtent véritablement la production de smartphones, ils vont confier à des sous-traitants, notamment en Indonésie. Alors on voit que là, cette division-là arrête, mais effectivement, ils continuent à produire des logiciels, des softwares à destination des entreprises. Donc ils suivent un petit peu les pas de Nokia, hein, Nokia qui a revendu une partie de sa division à Microsoft, la division justement mobile, production d'appareils, qui ne se porte pas très bien non plus chez Microsoft. Mais la marque Nokia existe toujours, mais elle est un peu sortie des radars, parce que qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des réseaux télécoms, des choses voilà, qui sont plus dans le B2B, donc entre entreprises. C'est ce que BlackBerry va faire, alors peut-être avec succès. En tout cas, ils arrêtent véritablement les frais sur la division qui ne fonctionnait plus du tout chez eux. Mais le marché est quand même bousculé, hein. On vient de parler de BlackBerry, vous venez de citer Nokia, il a revendu sa division smartphone à Microsoft. Aujourd'hui, Windows Phone va sans doute suivre le même chemin que BlackBerry. On voit bien que la gamme est en train de mourir, peut-être en attendant autre chose. Mais bon, les grands fabricants, ceux qui sont les plus connus en tout cas, Samsung a aussi ses difficultés. Son dernier appareil a dû être retiré de la vente parce que les batteries explosent. Le dernier iPhone ne suscite pas le même enthousiasme que les premiers. Il y a une sorte de flottement quand même dans le marché. On voit aussi que tout va très vite, hein, dans le marché, parce que BlackBerry s'est lancé en 1999 et 17 ans plus tard, ils arrêtent la production de smartphones. Alors si on fait la comparaison avec Apple, il leur reste 8 ans avec leur iPhone pour encore faire éventuellement des performances. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, ces marchés, ils se dirigent essentiellement vers deux grands constructeurs. Hein. Aujourd'hui, on a Samsung et Apple, et du côté des logiciels, on a iOS d'Apple et Android de Google. Donc on voit que c'est vraiment des duopoles. Alors, mais ces duopoles peuvent aussi être malgré tout concurrencés. On voit aujourd'hui qu'au niveau des appareils, aujourd'hui, il y a de plus en plus de fabricants chinois, notamment, qui sont très agressifs, parce qu'on est sur un marché qui est de plus en plus standardisé, où il y a de moins en moins d'innovation. Et donc, ils arrivent à attaquer le marché avec des prix plus intéressants. Et notamment, on connaît Huawei, mais il y a aussi Xiaomi, qui est plus présent en Chine, ou encore un Lenovo, qui s'attaque de plus en plus à ce marché, qui pourrait aussi concurrencer des Samsung qui ont des difficultés et des Apple qui n'arrivent plus à imposer de nouvelles innovations technologiques. Mais à propos d'innovation technologique, quand on voit justement ces grandes sociétés, BlackBerry, Nokia, etc., qui ont créé des choses et puis qui après ont raté des tournants, c'est quand même toujours impressionnant de voir que des entreprises qui innovent, elles ratent parfois, souvent même, le coup suivant. Alors c'est vrai qu'ils mettent tout aussi dans une dans peut-être une première mouture d'un produit, comme ici les premiers téléphones de Nokia, ça a véritablement connu un énorme succès. Alors ils se sont basés sur ce succès-là en pensant que c'était ça que les consommateurs voulaient, mais le consommateur, il évolue lui aussi, il a peut-être d'autres besoins, et dès qu'il y a une innovation technologique qui bouleverse le marché, eh bien c'est ce nouveau fabricant-là qui va rafler la mise. Avec, on l'a vu avec l'iPhone en 2007, ils ont vraiment proposé quelque chose de nouveau avec ce clavier tactile, avec ces applications, même s'ils n'étaient pas les premiers sur le marché, puisque des smartphones existaient déjà avec BlackBerry, mais qui était une offre différente, et avec Nokia aussi, avec ces petits téléphones aussi à touche qui ont connu un énorme succès, mais qui aujourd'hui sont complètement dépassés. Eh bien, on continuera à suivre ces innovations, peut-être aussi ces rendez-vous manqués. Merci Gilles, à bientôt. Merci Alain. Une chanson proposée par nos auditeurs internautes, c'était BlackBerry Song avec Kurt Weill. Les décodeurs RTBF sur la première. Il y a un lien entre les médias publics forts et la démocratie vivante, c'est ce qu'affirme l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision. Il fallait que l'ensemble d'une population ait accès à la culture et à du temps libre. Et donc la télévision était née un peu dans ce flux-là. Et c'était ce qui nous animait, c'est vrai. C'est la première fois que se déroulent les Feux de la Rampe au studio 1 de la place Plage avec un public très sympathique. RTBF, centre de production de Bruxelles. Jean-Paul Philippot, bonjour. Bonjour. Que de souvenirs hein, sur la longue histoire du service public. On vous connaît comme administrateur général de la RTBF, mais vous êtes aussi président de l'UER, c'est l'Union Européenne de Radio-Télévision, depuis 2009 déjà. Alors l'UER, pour le grand public, et on l'a entendu d'ailleurs, c'est le concours Eurovision de la chanson, mais c'est avant tout une association de médias essentiellement publics. Principalement public, plus de 70 membres de 56 pays, donc c'est l'Europe au sens extrêmement large du terme, qui d'ailleurs s'étend jusqu'au sud de la Méditerranée. Mmh. Une union d'opérateurs publics qui partagent les mêmes valeurs, qui défendent les mêmes causes, qui s'entraident, qui échangent toute l'année des concerts de musique classique, des sujets d'information, qui mettent ensemble des ressources pour entretenir des réseaux de satellites, de fibres optiques, qui achètent des droits sportifs ensemble, qui organise l'Eurovision, spectacle bien connu, diffusé dans le monde entier maintenant. Oui, en effet, et l'UER vient aussi de publier une étude qui analyse le lien entre l'existence d'un média public fort dans un pays et alors ce qu'on pourrait appeler sa bonne santé politique, sociale et économique. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc en fait, nous travaillons à réfléchir à la contribution des services publics à la société. Nous ne sommes pas des radio et les télévisions comme les autres. Les services d'études de l'UER ont réalisé récemment une analyse de corrélation entre la santé, le dynamisme, la concernance du service public dans un pays et des indicateurs qui expriment la santé de la démocratie. On n'explique pas l'un par l'autre, mais on constate que quand l'un existe, quand la santé du service public est forte, eh bien, on est dans des sociétés où d'autres caractéristiques d'une démocratie saine sont également très présentes. On va prendre un exemple. L'étude permet de découvrir que là où les médias publics sont forts, eh bien, par exemple, la confiance dans la presse, dans sa crédibilité, est plus élevée. Exact. Je pense que c'est l'expression de plusieurs choses. Un service public fort, ça signifie un pluralisme garanti par l'existence d'un service public et d'opérateurs privés. Ça signifie des standards professionnels élevés, une émulation qui tire la qualité de l'ensemble vers le haut. Ça signifie aussi la capacité pour le public d'accéder gratuitement en radio, en télévision, aujourd'hui sur les médias numériques, sur Internet, à une information de qualité. Mais en même temps, on pourrait se dire qu'il y a des pays où il y a un service public fort, y compris dans votre association, mais je ne vais pas vous mettre en difficulté avec vos membres, et où peut-être la démocratie n'est pas aussi vigoureuse que par exemple aux États-Unis où le service public est minimal. Bien sûr. Et donc, il s'agit ici d'une analyse qui est une analyse statistique. On travaille sur des grands échantillons et c'est un test statistique de corrélation et qui est statistiquement pertinent, mais qui n'exclut évidemment pas des situations qui sont statistiquement aberrantes, mais qui pour le public et pour le commun des mortels sont évidemment des réalités extrêmement présentes. Nous avons des travaux, un chemin, un soutien à faire à nos membres, des actions envers certains gouvernements pour garantir l'indépendance, le professionnalisme, un financement suffisant du service public partout en Europe. Dans l'enquête, il y a d'autres points que vous vouliez souligner particulièrement ? Mais je pense que ce qui est extrêmement intéressant et ce qui est important à rappeler, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans médias indépendants et sans médias dans lesquels la population a confiance. Et qu'on le constate, un des éléments de cette confiance dans les médias, un des éléments de cette indépendance, c'est l'existence d'un service public crédible et professionnel. Et l'on constate d'ailleurs que bien souvent, lorsque la démocratie est fragilisée, une de ses premières victimes, c'est l'indépendance et le professionnalisme du service public. Mais c'est quoi un service public fort ? C'est l'indépendance dont vous venez de parler ? C'est une question de financement ? C'est une part de marché ? C'est une question de qualité des programmes, pour autant qu'on puisse la mesurer ? Je pense qu'un service public fort, c'est un service qui est concentré sur ses missions. Un service public fort, c'est un service qui dispose des moyens suffisants pour payer des journalistes professionnels en nombre nécessaire à faire un travail de vérification de l'info et d'investigation. Un service public fort, c'est un service qui concerne la population. Je n'aime pas parler de part de marché, c'est une définition d'annonceur publicitaire. Je préfère parler de combien d'habitants d'un pays, combien de Belges francophones écoutent pendant un quart d'heure, une demi-heure, les radios, les télévisions de la RTBF chaque jour. Donc cet impact-là, il doit être fort. Un service public qui est marginalisé est un service public qui perd son sens et son utilité. Un service public fort, c'est un service public qui a des moyens de créer et qui a des moyens de diffuser gratuitement au plus grand nombre. Mais en même temps, cette enquête n'a pas été lancée par hasard maintenant. C'est que vous percevez que, quelque part, quand même, le service public est menacé. Je pense que le service public, de tout temps, est mis sous pression. Il est mis sous pression par celles et ceux qui préférerait avoir des médias aux ordres que des médias indépendants. Il est mis sous pression depuis 2007-2008 parce qu'il y a une crise économique sans précédent en Europe, avec la nécessité pour les pays et les gouvernements européens de réduire leur train de vie et leurs dépenses. Et donc le service public, à un moment donné, on se dit, est-ce que ça ne serait pas une variable d'ajustement ? Somme toute, on peut avoir, hier au travers des radios et des télévisions privées, aujourd'hui grâce à des grands distributeurs de contenu ultra majoritairement américains, accès à ce qui divertit. Mais en même temps, il est nécessaire pour le service public d'évoluer. Les choses vont devoir bouger. Pourquoi est-ce qu'on fait ces études au niveau de l'UER ? Parce qu'on a depuis 2012 entamé un travail sur nos valeurs et nos missions et notre contribution à la société. Pas pour faire du lobbying, démontrer qu'on le fait, mais pour, avec nos membres, réfléchir comment, dans le 21e siècle, le siècle numérique, le siècle ultra-connecté, le siècle de la mobilité, de la recommandation, de la consommation individualisée des médias, le service public peut remplir ses missions et promouvoir ses valeurs. C'est notre défi. Alors, est-ce que les valeurs de démocratie, est-ce que les valeurs d'indépendance, est-ce que la nécessité d'avoir des sources d'informations vérifiées et certifiées, est-ce que la promotion des artistes et des acteurs, la promotion du patrimoine culturel et social d'une communauté sont des valeurs contemporaines ? La réponse est oui. Est-ce que la démocratie a besoin d'espace ? De pluralisme, a besoin d'espace où on confronte des idées, où parfois on s'affronte, la réponse est oui. Est-ce que dans un pays moderne où on peut avoir accès au monde entier, il y a des valeurs culturelles qui nous rattachent à notre communauté, des artistes dont on est fier, des initiatives que l'on veut montrer au monde entier ? La réponse est oui. Le défi aujourd'hui, c'est pas de nier cette nécessité. Le défi, c'est un, d'abord, d'accepter que dans cette société mondiale, s'il n'y a pas d'acteurs locaux qui travaillent, on n'en parlera plus. Et après, le défi pour l'opérateur public, pour les opérateurs publics, c'est évidemment de se transformer de l'interne pour être pertinent dans un monde qui change très vite. Jean-Paul Philippot, merci. Merci à vous. Théo Franken qui dérape sur Facebook, Christine Boutin qui annonce la mort de Jacques Chirac sur Twitter. Les réseaux sociaux sont-ils le défouloir des responsables politiques ? Nous en débattrons après la pub et la séquence de Frédéric Brébant. La première. À quelques jours de l'élection présidentielle, la RTBF envoie 3 journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison-Blanche, une expérience inédite et originale à suivre sur rtbf.be/Maison-Blanche. Et aussi sur la première du lundi au vendredi dans Matin Première et dans Soir Première. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. La première présente les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be avec DS Automobile et la Loterie Nationale. Et c'est l'ingénieur Sarah qui va construire le plus long pont du monde pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve. Aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong. J'ai presque fini. 10h, 11h, sur la première. Les décodeurs RTBF. 10h35, nous sommes en direct sur la première et Frédéric Brébant est de retour pour Tendance Pub. Alors la réalité virtuelle, on le sait, c'est le sujet du moment, hein, elle s'installe un peu partout et donc aussi dans le monde de la publicité. Oui, vous savez Alain, la réalité virtuelle c'est un système ou plutôt un casque qui vous donne l'illusion de vivre réellement une situation qui n'est pourtant pas réelle. car vous êtes plongé virtuellement dans un espace à 360 degrés. Alors on est tip-top dans l'actualité, car les casques Oculus Rift sont sortis ce jeudi en Europe. Ils ne sont pas encore disponibles en Belgique, mais on peut les trouver déjà et les commander en France, notamment à la Fnac. Et Oculus, il faut rappeler, c'est une société qui a été rachetée par Facebook 2 milliards de dollars en 2014. C'est dire si le réseau social croit en l'avenir de cette technologie. Et on le comprend bien, car d'autres géants du net et de l'électronique développent aussi leurs propres casques de réalité virtuelle, comme Google, Sony, Samsung ou encore HTC. Et c'est vrai que le secteur est prometteur, car on peut utiliser la réalité virtuelle dans le monde des loisirs, des jeux vidéo, du sport, du commerce, de l'immobilier. On peut par exemple visiter un appartement à distance et bien sûr de la publicité. Et je dois le dire que c'est très impressionnant. Et cette semaine, on a vu naître une opération de communication originale. Elle a été menée par une célèbre marque de soda sous l'angle précisément de la réalité virtuelle. Oui, Coca-Cola, pour ne pas la nommer, a lancé ce 29 septembre une action assez spectaculaire en France. La marque a demandé à une équipe de production de filmer en 360 degrés l'intérieur de son usine de Grigny dans l'Essonne. Tout cela pour faire un film en réalité virtuelle. C'est-à-dire que concrètement, quand vous chaussez un casque Oculus et que vous tournez la tête en haut, en bas, à gauche, à droite, vous voyez l'usine sous toutes ses coutures pendant une visite immersive de quelques minutes qui vous montre tout le processus de production, de l'embouteillage au collage des étiquettes. L'idée, évidemment, s'inscrit dans l'air du temps. Outre le gadget technologique, c'est la carte de la transparence qui est ici mise en avant. Avec ce genre d'expérience, le consommateur est non seulement placé au cœur de la marque, mais il a surtout l'impression qu'on ne lui cache rien et que l'entreprise adopte une démarche citoyenne, entre 14 guillemets, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, où tout est très vite communiqué, les marques ont intérêt à jouer la carte de l'ouverture et de la transparence pour éviter les éventuelles mauvaises surprises. Oui, et dans cette opération de com, c'est aussi la carte de la production locale qui est jouée. C'est un argument marketing de plus qu'on met en avant. Oui, effectivement, à côté de cette tendance de la transparence, il y a cette autre tendance de la proximité, de la production locale qui est privilégiée par de nombreuses marques. On la joue de plus en plus locavore, comme on dit dans le milieu du marketing, pour répondre aux besoins du consommateur qui déplore certains effets de la mondialisation et ses conséquences sur la planète avec des transports excessifs, donc trop de CO2. Bref, il est bien vu de produire local dans la mesure du possible. Et dans son nouveau film de réalité virtuelle, Coca-Cola joue aussi cette carte-là. Non seulement l'initiative, je le répète, se veut technologique avec cette immersion à 360 degrés, mais elle insiste sur le fait que 90% des boissons du groupe consommées en France sont produites en France, dans ce genre d'usine désormais ouverte virtuellement au public. On est donc dans une espèce de propagande marketing, c'est clair, mais c'est plutôt bien joué pour séduire le consommateur. Et on termine avec une autre campagne menée cette semaine, toujours autour de la réalité virtuelle, et c'est votre larme de crocodile, avec des guillemets de la semaine. Bon, c'est vrai que Coca-Cola n'est évidemment pas la seule marque misée sur la réalité virtuelle pour communiquer auprès des foules. D'autres marques s'y sont essayées, comme Dior par exemple, qui a lancé son propre casque en boutique pour faire vivre ses défilés de mode à ses clientes. Et Samsung excelle effectivement dans l'art de vendre son propre produit auprès des consommateurs. Cette semaine, la marque coréenne qui fabrique son système de réalité virtuelle baptisé Samsung Gear a sorti un spot assez émouvant qui va peut-être vous tuer une petite larmichette si, comme moi, vous êtes un peu midinette. Alors, c'est l'histoire vraie. On est tous midinette. Mais oui. C'est l'histoire vraie d'un vieux père qui vit en Espagne et de son fils qui vit en Uruguay et qu'il n'a pas vu depuis 14 ans. Ils sont en très bon terme, mais voilà, la vie a fait qu'ils ne se sont jamais revus. Ils n'ont pas réussi à se payer un voyage. Et qu'a fait Samsung ? Eh bien, la marque a été filmée l'appartement du fils en Uruguay à 360 degrés, avec femme, enfant, beaux-parents. Et bien sûr, le vieux papa reste en Espagne à chausser le casque de réalité virtuelle et il s'est retrouvé en immersion totale chez son fils pendant quelques minutes. C'est assez surréaliste parce qu'on le voit tendre les bras et essayer de saisir ses petits-enfants pendant l'expérience. Et évidemment, quand il retire son casque, il est complètement bouleversé, mais heureux. Et cerise sur le gâteau, Samsung a offert finalement, quand même à la fin, un vrai billet d'avion au vieux père pour qu'il puisse prolonger cette expérience dans la vraie vie. Donc un joli coup de pub, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres dans le domaine de la réalité virtuelle. Merci Frédéric, et on rappelle que votre séquence, comme toutes les autres, elles peuvent être réécoutées sur notre plateforme RTBF Ovio, pas encore en réalité virtuelle, mais bientôt. Mais bientôt. Enfin, ça viendra. À la semaine prochaine, à la Frédéric. Semaine prochaine. Les décodeurs RTBF sur la première. Les réseaux sociaux sont-ils devenus le défouloir des politiques? Est-ce que la promesse d'un renouveau démocratique est arrangée au rayon déjà bien fourni des illusions numériques? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités. Sandrine Rojanski, professeure de communication à l'UCL, bonjour. Bonjour. Et Baptiste Erquet, spécialiste de la communication politique sur le web, bonjour à vous aussi. Bonjour. Alors, hors d'œuvre, il y a du boutin. L'ex-ministre française annonçait il y a quelques jours la mort de Jacques Chirac sur Twitter. La rumeur ouvre ses ailes. Toutes les rédactions se sont excitées autour d'une rumeur de la mort de l'ancien président Jacques Chirac. Et alors, madame Boutin ? Oui. La rumeur est un microbe. La meilleure d'entre nous, Christine Boutin, ancienne ministre, a pris son téléphone et a tweeté mort de hashtag Chirac. J'ai eu cette information, je crois qu'elle est vraie, mais j'ai rien de plus à vous dire. C'est du miel, c'est du fiel. Votre tweet n'a pas forcément été bien reçu par beaucoup de proches de Jacques Chirac. Quelle est votre réaction? Mais laissez-moi tranquille. Je suis libre de m'exprimer, j'ai une information, je la donne, point final. Et après le hors-d'œuvre, le plat de résistance, si on ose dire, le secrétaire d'État NVA Théo Franken qui part en vrille sur Facebook. Le secrétaire d'État à l'asile et à la migration Théo Franken est au centre d'une nouvelle polémique. Une publicité pour une marque de soda sans sucre, détournée avec Théo Franken qui expulse un homme noir. L'auteur de cette vidéo animée et répétitive le voici. Venant de ma part, mes followers, en tout cas sur le net, savent très bien de quoi il s'agit, que c'est de l'humour et du second degré. Une vidéo partagée par le secrétaire d'État à l'asile et à la migration et commentée d'un « Regardez ce que j'ai trouvé ». Marrant. Combien de fois il faudra le répéter, au-delà de 35 ans, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Alors, selon vous, ce qu'on vient d'entendre, est-ce que ce sont deux dérapages isolés ou bien le signe qu'il y a un problème de maîtrise des réseaux sociaux par les responsables politiques, Baptiste Erquet? Les deux exemples qu'on vient d'entendre sont à la fois effectivement similaires mais différents. Je pense que dans le cas de Christine Boutin, c'est une maladresse énorme de sa part et c'est une faute grave dans le sens où quand on est un officiel entre guillemets, désinformé, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mmh. Donc diffuser une information qui est erronée, c'est une vraie faute, d'autant plus sur un sujet aussi délicat que la mort d'un ancien président de la République. Donc là, il y a un vrai problème. Par rapport à Théo Franken, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas s'empêcher de penser qu'il y a éventuellement un calcul politique ou de se demander jusqu'où c'est maîtrisé ou c'est un dérapage. Donc là, c'est un cas, à mon avis, un petit peu différent. D'autant plus que Franken joue sur différentes casquettes. Il est à la fois ministre, mais on a un peu l'impression que là, il poste un message en tant que simple citoyen qui, comme ses amis sur les réseaux sociaux, va lâcher une bêtise. Bon, une vidéo qui est de super mauvais goût, ça, on ne reviendra pas là-dessus. Mais donc, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le cas de Christine Boutin, c'est vraisemblablement une faute grave. Dans le cas de Théo Franken, on ne sait pas jusqu'où c'est calculé ou ça n'est pas calculé. Sandrine Rojanski, votre analyse de ces deux événements, si l'on peut dire, sur les réseaux sociaux? Je rejoins ce qui a été dit. Je pense également que dans les deux cas sont très différents et que certainement les motivations et les raisons qui ont poussé les deux personnes à diffuser ces messages, informations sont différentes. Dans le cas de Théo Franken, ce qui m'interroge aussi, c'est que la vidéo a été partagée sur Facebook et que le compte Facebook est géré collectivement aussi par les collaborateurs du ministre dans son cabinet. Donc ça veut aussi dire qu'effectivement, on peut peut-être imaginer que derrière, ce n'est pas une simple maladresse personnelle, mais quelque chose qui a été discuté collectivement et qui a amené quand même à cette publication. Alors, d'un côté, un dérapage raciste, de l'autre, une rumeur présentée comme une info. En fait, on trouve ça tout le temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que les responsables politiques sont des internautes comme les autres? Est-ce qu'ils peuvent se permettre de se comporter comme un internaute lambda, si j'ose dire, Baptiste Erquet? En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, pour l'homme politique, nourrissent un chouette fantasme, c'est celui de pouvoir communiquer sans plus passer par le prisme journalistique. Mmh. Donc désormais, on peut Ils sont enfin débarrassés de nous. Oui, c'est ça. On peut enfin communiquer directement avec les gens sans que le journaliste soit là pour dire si c'est recouper l'information ou pour corriger, etc. Mais évidemment, le pendant de tout ça, c'est que la moindre bourde, la moindre erreur, le moindre dérapage, se paye évidemment tout de suite cash. Donc c'est certain que On ne s'improvise pas en fait communicateur sur les réseaux sociaux. C'est un apprentissage. Les réseaux sociaux, c'est un langage particulier qui s'apprend, qui doit se maîtriser. Et donc, forcément, comme tout un chacun qui va utiliser les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, l'homme politique va le faire de façon très spontanée. Mais on attend souvent du politique une communication beaucoup plus construite, beaucoup plus préparée. Et donc, effectivement, là, ça rentre un petit peu en conflit. Oui. Sandrine Rozinski, vous travaillez sur ces questions, notamment au plan européen. Comment les responsables politiques, les élus dans leur ensemble, voient-ils les réseaux sociaux aujourd'hui ? Alors, ils les voient comme des outils essentiels, comme un espace médiatique incontournable. Et là-dessus, je pense aussi, enfin, ce qu'on observe quand on analyse les messages publiés sur Twitter essentiellement, mais aussi sur Facebook, c'est qu'on assiste quand même à une forme de lissage du discours et que pour quelques dérapages, la grande majorité des messages publiés rentrent dans les codes. Dans les codes de ces dispositifs numériques, mais également, finalement, on assiste quand même à une forme de standardisation de la parole, avec finalement des messages qui peuvent se ressembler pas mal les uns les autres. L'autre élément également qui est important quand on fait des entretiens avec ces politiques et leurs collaborateurs, c'est que un des publics cibles majeures sur ces réseaux, ça reste les journalistes. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment... C'est le paradoxe. Hein, c'est le paradoxe. Ouais, ils veulent nous court-circuiter, en même temps, c'est à nous qui parlent. Exactement. Et pour avoir aussi fait une série d'entretiens avec des journalistes, on voit effectivement qu'on assiste quand même à une forme de petit monde, d'entre-soi, où les politiques vont suivre les politiques, les militants les plus connus, et les journalistes. Et les journalistes vont suivre les journalistes, et les politiques, les élus, etc. Donc effectivement, on est quand même finalement dans un espace médiatique qui reproduit pas mal l'espace médiatique, entre guillemets, traditionnel, avec forcément des codes spécifiques qui sont ceux des réseaux sociaux. Comment les élus communiquent-ils sur les réseaux sociaux ? Nous en parlons avec Sandrine Rozinski de l'UCL et Baptiste Herquet, spécialiste de la communication politique sur le web. N'hésitez pas à intervenir sur Facebook et Twitter, les décodeurs RTBF ou LCD RTBF. Les décodeurs RTBF sur la première. Et on va maintenant donner la parole à un élu, Michael Verbeuwen de Bonjour. Bonjour. Vous êtes député PTB au Parlement bruxellois et, on peut le dire, très actif sur le web. On entendait au début de cette séquence un journaliste français qui disait que les réseaux sociaux, c'est très dangereux au-delà de 35 ans. Si je compte bien, vous en avez 31. Donc, ça veut dire que dans 4 ans, vous arrêtez ? Non. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment un clash de générations. Je vois des élus un peu partout, à tous les niveaux, qui ont passé la cinquantaine et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Bon, ceci dit, ils n'ont peut-être pas un compte Snapchat, ça c'est possible. Mais bon, effectivement, Facebook, Twitter, pour un politique, ça me semble must et je pense que quasiment tout le monde y est. Et comment réagissez-vous à ce que viennent de dire nos experts ? C'est-à-dire qu'à part quelques dérapages, derrière ça, il y a un lissage du message. Comment essayez-vous d'utiliser les réseaux sociaux ? Moi j'avoue que j'en ai une utilisation très très personnelle, c'est-à-dire que c'est moi-même qui gère mes comptes Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et donc c'est pas un collaborateur qui le fait pour moi, donc ça reste un outil vraiment personnel pour moi de communiquer, de donner mon avis, de recevoir aussi l'avis des gens. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, ça te permet de rentrer en contact avec plein de gens, d'avoir des retours sur les propositions qu'on fait, sur les idées qu'on développe, mais ça reste un moyen. Moi je suis aussi très actif sur le terrain, donc je pense pas que les réseaux sociaux vont en fait remplacer la discussion sur le terrain, sur les marchés, dans les rues, dans la manifestation, dans ce qui est mon cas, etc. Baptiste Herquez ? Oui, je pense que personne ne va se faire élire grâce aux réseaux sociaux. Je pense qu'aucun élu ne fait ce calcul-là. Je pense que ce serait vraiment erroné. Donc effectivement, c'est un outil pour prendre la température, c'est un outil pour se présenter, pour se mettre en scène, pour diffuser de l'information. Mais se limiter aux réseaux sociaux pour sa communication est une erreur, ça c'est certain. Michael Verbeuwen, vous dites que vous discutez sur les réseaux sociaux. On a quand même rapidement l'impression que les discussions deviennent vite agressives en général, ou bien caricatural. Vous avez parfois vraiment des discussions constructives avec des électeurs qui ne sont pas, ou des citoyens qui ne sont pas simplement des opposants politiques qui veulent vous pousser à la faute ? Non, moi j'arrive à avoir avoir plein de discussions avec plein de gens, mais je vois ça pas seulement sur mon compte. Quand je vois les vidéos, par exemple, que le compte Facebook du PTB met sur les réseaux sociaux, il y a des centaines et des centaines de commentaires, parfois en quelques heures. Et ça permet évidemment de voir si on a touché quelque chose, d'avoir aussi l'avis des gens sur une vidéo, sur une idée qu'on lance. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça nous permet d'avoir un feedback très rapide sur ce qu'on dit. C'est vraiment, c'est comme avoir des centaines de discussions avec des gens dans la rue, sauf que là, ça se passe sur Internet. Moi, je trouve ça au contraire très, très utile. Et j'ai des discussions avec plein de gens, des gens qui sont d'accord avec moi, mais aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ce qui permet aussi d'enrichir la réflexion. Sandrine Rozinski, c'est un exemple fréquent ce que nous décrit ce député bruxellois PTB ? J'aurais du mal à dire si c'est fréquent ou pas, qu'il y ait une fonction de veille, de voir ce que, effectivement, des parties prenantes, des personnes clés dans le débat disent, des journalistes, des politiques, des militants, ça c'est évident. Et souvent, on oublie cette partie-là parce qu'elle est invisible, mais ce sont d'abord des outils de veille, ça c'est essentiel et c'est important de le rappeler. Après, quand on dit l'avis des gens, il conviendrait de qualifier ces gens. Et c'est vrai que les recherches que nous, on a menées, notamment sur des gens abonnés à des politiques, on a quelques éléments qui nous permettent de dire est-ce que c'est les gens dans la rue qui vont là, qui sont au marché ce matin ? C'est tout à fait discutable. En général, nous, ce qu'on a retrouvé, c'est que la moitié des personnes qui s'étaient abonnées à un politique étaient militantes, adhérents à un parti, que ce soit le parti de la personne en question ou un autre parti. Et que l'autre moitié, de toute façon, était extrêmement intéressée par la politique et suivait la politique, ailleurs que sur les réseaux sociaux, mais forcément, c'était aussi déplacé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est clairement des outils qui permettent de prendre le pouls, mais je pense que ce serait peut-être une erreur de croire qu'à travers ce pouls-là, ça nous donne des éléments sur l'ensemble de la société. Ça reste des catégories de population qui ne représentent qu'elles-mêmes. Et donc, c'est pour ça que j'aurais tendance, par contre, à nuancer cette idée de les gens, parce qu'encore faut-il s'entendre sur qui sont ces gens. Michael Verbaurede, votre réaction à ceci ? Je pense que ça dépend, effectivement. Si on regarde que les gens qui sont abonnés à des politiques, effectivement, ça ne fait pas tout le monde. Mais quand une vidéo fait 1 million de vues en quelques heures, c'est pas que les gens qui sont abonnés au compte d'un parti politique ou d'un politicien quelconque qui regarde la vidéo. Quand elle est virale, et donc ça touche beaucoup plus de monde. Et ça, c'est aussi ce que je vois dans ma pratique des réseaux sociaux, c'est que ça permet d'aller beaucoup plus loin que j'ai quelques centaines, quelques milliers d'amis sur Twitter et Facebook. Mais en fait, une fois que le message prend, que le message devient viral, en fait, il va beaucoup plus loin que le cercle habituel de gens que j'ai l'habitude de toucher. C'est évidemment la viralité qui permet de toucher d'autres personnes, parce que si vous postez quelque chose sur votre page ou sur la page du parti PTB, ce seront peut-être en effet des sympathisants qui la verront, mais si c'est relayé, ça touche d'autres personnes. C'est ça qui est aussi important, Baptiste Herquez. Oui, je pense qu'il faut vraiment distinguer Twitter et Facebook, qui sont un peu les deux réseaux sociaux les plus utilisés par les politiques. Effectivement, comme on l'a dit, Twitter, c'est un réseau social qui va servir quelque part à alimenter un petit milieu de politiques, de journalistes, de personnes de médias, de communication. En tout cas, c'est une des twittosphères et c'est la twittosphère politique belge francophone, ça c'est certain. Maintenant, Facebook, c'est un usage tout à fait différent parce que le premier usage de Facebook pour un politique, c'est de créer son propre réseau, son réseau de soutien, qu'on soit député, bourgmestre, échevin, conseiller communal. C'est une première manière d'informer son réseau de proches, donc quelque part ses soutiens, et puis effectivement de pousser et de réussir à diffuser l'information par viralité le plus largement possible, avec le danger effectivement de toucher aussi toute une partie de la population qui ne vous aime pas, qui ne va pas hésiter à vous clasher, mais enfin ça c'est le jeu. Mais donc c'est un usage qui est déjà très différent, puisque ça c'est vraiment pour le politique une manière de construire et d'alimenter son propre réseau, avec aussi un côté dangereux entre guillemets, et vous en avez parlé dans votre émission il y a quelques semaines de ça, c'est ce côté où en fait on va se retrouver, ça va cultiver l'entre-soi aussi. Et donc, il faut faire attention parce qu'à trop cultiver l'entre-soi, on ne se rend pas compte qu'effectivement, on ne parle plus soit qu'à des convaincus, soit qu'à des proches, mais en tout cas, on ne touche pas les gens au sens large. Donc ça, c'est évidemment le danger. Michael Verbaurede, les sondages sont plutôt bons pour votre parti. Est-ce que vous pensez que votre stratégie numérique, qui est assez unanimement reconnue comme efficace hein, et pertinente et moderne. Hein, votre hashtag PTB Style, par exemple, l'indique bien. Est-ce que vous croyez que ça joue là-dedans aussi? Oui, je pense que ce serait mentir que dire que ça ne joue pas. Après, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas le seul élément qui joue. Nous, mais, voilà, moi je disais, le meilleur réseau social, c'est la rue. C'est là qu'on doit être actif et c'est là qu'on est actif. Et c'est, je pense, c'est là aussi que grandit notre popularité. Mais effectivement, les réseaux sociaux jouent un rôle. Ça serait mentir que de dire le contraire. Sandrine Rojinski, votre conclusion là-dessus? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les réseaux sociaux sont maintenant un espace médiatique qui s'entremêle avec les autres espaces. Et effectivement, c'est tout à fait... Enfin, ce serait certainement une erreur de penser qu'on peut faire sans. Après, c'est vrai que j'aurais tendance quand même à nuancer, juste pour terminer là-dessus. J'ai suivi des formations que Facebook donne à des politiques où on voit que 3 secondes, un visionnage de 3 secondes d'une vidéo signifie que la vidéo a été vue. Évidemment. Et donc, on peut se poser la question sur ce qui est retenu. Baptiste Herkès, à l'inverse du PTB, il y a un parti qui est totalement absent, ou en tout cas qui n'est pas hyper performant sur les réseaux sociaux, c'est le CDH, et lui, il est à la traîne dans les sondages. Une corrélation? Non, je ne pense pas qu'il y ait de corrélation. Maintenant, je pense que être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi montrer qu'on vit avec son temps, et montrer qu'on est sensible aux moyens de toucher les gens. Il y a un effet d'affichage. Oui, c'est certain. Et donc, quelque part, je pense que la première chose, c'est qu'il ne faut pas, pour un politique, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux si on est hyper réticent, quoi. Il ne faut pas le faire contre son gré. C'est la meilleure manière, justement, de faire des boutineries, j'ai envie de dire, en tout cas des dérapages. Mais donc ça, effectivement, il faut l'éviter. Maintenant, se boucher le nez en disant, ou se fermer les yeux en disant ça n'existe pas et ça n'a aucun intérêt, je pense que c'est une erreur pour un politique, ça c'est sûr. Eh bien, Michael Verbohe, de député bruxellois PTB, Sandrine Rojinski, professeur de communication à l'UCL, et Baptiste Herkès, spécialiste de la communication politique. Merci. Et puis n'oubliez pas, à 11h30 sur la Une Télé, à votre avis avec Sacha Daoud et son équipe, parmi les questions qu'il vous pose ce dimanche, que vous inspire le rachat de Brussels Airlines par Lufthansa? Il y a aussi évidemment une dimension d'affichage, de marque et de com à cette question, et vous pouvez y répondre via l'application Match Talks. Merci d'avoir suivi les décodeurs que vous retrouvez en diffusion à 21h sur la première et évidemment, on l'a signalé déjà en permanence sur RTBF Ovio. C'est Jonathan Remy qui réalise cette émission et les séquences sonores qui l'illustrent. Merci à lui et à tous ceux qui y ont participé. Merci à vous pour vos suggestions. Les débats continuent sur notre page Facebook, Les Décodeurs RTBF, et sur le compte Twitter, LDCRTBF. Rendez-vous donc dimanche prochain à nouveau pour décoder l'actu du web, des médias, de la publicité et de la communication. Très beau dimanche à tous. Aujourd'hui, on va travailler les genoux, on relâche les jambes, on va dans la cuisine et on plie les genoux, prend le sac poubelle et on le ferme, on se remet droit et on se baisse, on le dépose et on recommence. Allez! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emul Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Crefell. Les prix cadeaux, le service et la qualité Crefell, c'est... Crefell. Profitez-en maintenant. Crefell. Les meilleurs prix, service compris. Moi, le dimanche, les courses, c'est chez Daily Trader. Et vous, vous faites comment? Votre Daily Trader est ouvert jusqu'à 22h, 365 jours par an. Daily Trader, flagrant délit de plaisir. La première présente, BIP 2016, la biennale de l'image possible. Des artistes d'aujourd'hui réinventent les images d'aujourd'hui. Art visuel, photographie et vidéo contemporaine, 12 expositions, plus de 30 artistes belges et internationaux. Jusqu'au 16 octobre à Liège. Info, bip-liège.org. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la ville et la province de Liège. La première. Il est 11h. Les infos avec Marie Bourguignon, bonjour. Bonjour à tous. La Grande-Bretagne va enclencher la procédure de sortie de l'Union européenne avant fin mars 2017. C'est ce qu'a déclaré Theresa May, l'actuelle première ministre britannique, dans un entretien au journal Sunday Times. Elle explique qu'elle présentera une nouvelle législation afin d'abroger le European Communities Act de 1972, et ce, lors du discours de la reine devant le Parlement qui aura lieu en avril ou mai 2017. Cela marquera la première étape pour faire du Royaume-Uni un pays souverain et indépendant à nouveau. Voilà ce qu'elle a déclaré. Donald Trump n'aurait pas payé d'impôts fédéraux pendant près de 20 ans. C'est ce qu'on peut lire ce week-end dans le New York Times. Le candidat républicain à la Maison-Blanche pourrait avoir évité de payer des impôts de manière légale. Donald Trump a toujours refusé de rendre public ses déclarations de revenus, alors que sa rivale Hillary Clinton s'est exécutée. Interrogé à ce sujet, le candidat à la Maison-Blanche dit qu'il ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Les États-Unis se préparent à évacuer des centaines de personnes de leur base navale de Guantanamo Bay à Cuba. 700 femmes et enfants de soldats qui seront évacués par avion en cause de l'ouragan Matthew qui s'approche de l'île, mais aussi de la Jamaïque et d'Haïti. On qualifie cet ouragan du plus puissant à s'être formé dans l'Atlantique depuis Félix en 2007. Après 9 mois sans gouvernement, peut-être une voie vers un déblocage de la crise politique en Espagne. Le secrétaire général du Parti socialiste espagnol, Pedro Sanchez, a démissionné hier soir. Une démission après 10 heures de débats houleux entre les membres du parti. Cette semaine, il avait pourtant résisté aux multiples attaques de ses adversaires. Le parti va à présent devoir se retrouver un nouveau leader. En Formule 1, l'Australien Daniel Ricciardo remporte le Grand Prix de Malaisie. Max Verstappen se classe deuxième, Nico Rosberg troisième. Le Britannique Lewis Hamilton a été contraint à l'abandon après avoir cassé son moteur. Et puis en football, Standard Anderlecht, le classico comme affiche ce dimanche. Les deux équipes s'affrontent à Sclessin à 18h. Autre affiche cet après-midi à 14h30, le choc entre le club de Bruges et à la Gantoise. C'est la fin de ces infos. Très belle journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Auditeurs, amis de Dieu, indifférents à Dieu, en révolte ou en recherche, bonjour. Dominique Villard est heureux de vous accueillir en direct de l'abbaye Notre-Dame du Val-Dieu à Aubel, dans le diocèse de Liège.